je sens lorsque je t'aperçois comme un trouble moi qui m'agite. Et moi, Bettina, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. Lorsque tu me parles, voilà que dans mon petit cœur ça s'embrouille. Moi, quand tu me regardes, j'ai là comme une grosse bête qui me chatouille. Mes moutons, quand ils font leur doux oh, oh, oh. Quand chacun de fait bah, mais... J't'aime mieux que mes moutons, quand ils font leur doux oh, oh, oh. Quand chacun de fait bah, lorsque je plonge dans tes yeux, mes yeux, c'est curieux comme ça me ravigote. Quand j'aspire l'odeur de tes cheveux, jusqu'au bout des doigts, ça me picote. Si tu t'approches de moi soudain, je tremble comme une petite poule. Quand ma main rencontre ta main, crac, c'est fini, je perds la boule. J'aime mes dents. J'aime bien mes moutons, quand ils font leur doux ouh, ouh, ouh. Quand chacun de fait bah, mais... J't'aime mieux que mes dents. J't'aime mieux que mes moutons, quand ils font leur doux ouh, ouh, ouh. Quand chacun de fait bah,